Mais ton grand-père est un héros. Je ne dis pas, il a du bon. Quelquefois seulement, il va un peu loin dans sa façon de comprendre la loi et de jouer du code. Connais-tu entre autres son aventure avec son frère? Elle lui valut, autant qu'il m'en souvienne, la perte du bras qui lui manque, plus 3 ans de maison centrale. À cette occasion, les bons juges se rattrapèrent. Donc, ton héros avait un frère, et il l'a encore, qui le déteste cordialement. Siffrin d'ailleurs le lui rend bien. Le frère s'appelle Siffrin, et sur ce terrain, les deux gaillards sont faits pour s'entendre. Qui eut le premier tort? Peu importe. En tout cas, grand-père reproche à Siffrin, qui est l'aîné, de l'avoir frustré de sa part d'héritage. Les hostilités ne datent pas d'hier, mais il serait trop long de te raconter par le menu les péripéties d'une guerre sournoise qui dure depuis plus de 20 ans. Dénonciations mutuelles, arbres sciés la nuit, ruches écrasées, tout le détail enfin, des représailles paysannes. Et j'aime mieux en venir tout de suite au grand coup.